Cours numéro 22. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir, al-shubhata al-hadiyata ashra, al-onziyam shubha. Fama hi? Tfaddal. Hiya anna al-mushrikin yaz'amuna anna man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. ومن صلوا ويصوم فلا يستطيع أن يخرج من الملة. نعم، يقولون أن الأولين من المشركين كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كذلك كانوا لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالبعث وكفريات كثيرة. فهم يخططون أن على époque du prophète عليه الصلاة والسلام المشركون الكفار ils ont pas accepté le message du prophète عليه الصلاة والسلام, ils ont pas prononcé le shahada, ils ont pas cru au Coran et beaucoup d'autres choses. أما هم ils disent لا إله إلا الله, كذلك ils font الصلاة, كذلك ils font الصيام, ils font le حج, يؤمنون بالقرآن بالبعث, la résurrection, le jour du jugement, يؤمنون بالملائكة, يؤمنون بالقدر إلى آخره. فيقولون كيف تجعلوننا مثل أولئك. Et comment comparer les mushrikoun d'aujourd'hui avec ceux d'avant alors qu'il y a une différence énorme dans les points qu'ils ont cités. C'est ça leur shubha. فما الجواب باختصار تفضل. أحسنت. هذا أن من آمن ببعض الكتاب وجحد ببعض هذا يكفر. فسيسا لا ريبونس انهم ils ont cru que vu qu'ils ont délaissé le kufr que les premiers ont fait, مثلا ne pas prononcer shahada, ne pas croire au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, ne pas croire au Coran, فلا شك on doit pas faire ce kufr, on doit croire au prophète عليه الصلاة والسلام الى اخره. هم ils ont pensé que ce qu'ils ont fait هم c'est pas du kufr. كأنهم en d'autres mots ils ont pensé que pour sortir de l'islam il faut faire toute cette mécréance. Alors que ça, c'est bâtil. تقدم معنا أن celui qui rejette une lettre, un mot du Coran, c'est pas un musulman. S'il le rejette volontairement, et il sait que c'est min al-Qur'an al-Karim, il sait. فهذا ليش لا شك c'est pas un musulman. فهم وقعوا في الكفر. Même s'ils ont pas, ils ont pas fait le même kufr que leurs prédécesseurs. Lakin, le kufr qu'ils ont fait, ça fait sortir de l'islam. C'est quoi le kufr qu'ils ont fait? Les mushrikoun de notre époque. عندما ما هو الكفر الذي فعلوه؟ هم جحدوا التوحيد. الشرك بالله عز وجل. أشركوا بالله. عبدوا غير الله. ما الدليل أن الشرك سيدي كفر؟ نعم. لكن الدليل أن الشرك سيدي كفر. كس كيفون سيدي كفر. تفضل. لا يهدي إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله سبحانه وتعالى il a appelé هذا الفعل, أي le fait de prendre des intermédiaires, c'est du كفر. Et dans l'autre verset, سبحانه وتعالى عما يشركون, c'est du شرك. Et لا شك أن الشرك الكفر الأكبر ça fait sortir de l'islam. فعلى كل حال أن هم ils ont pensé أن le fait d'accepter beaucoup de choses من الإسلام, faire salat, faire le hajj, faire siyam, prononcer la shahada ila akhirah, ils ont pensé qu'ils ne pouvaient plus sortir de l'islam. Fallait hada quand les ulama ils les conseillent, ils leur disent hada c'est du shirk, invoquer les morts c'est du shirk, tourner autour des tombes c'est du shirk, placer un intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala fi du'a c'est du shirk. Hum, ils ont pensé, on a vu que ils ont accepté l'islam, rien ne peut annuler hada l'islam. Et ça c'est très très grave. L'islam ça s'annule iyadan billah comme at-tahara, comme les ablutions. Tu peux perdre les ablutions, même si tu as une bonne intention. Tu les perdras, c'est obligé. L'islam, tu peux le perdre comme tu perds les ablutions. Iyadan billah. L'insan, il doit faire attention. Et Cheikh l'Islam, il a cité ce mithal dans Al-Qa'il Arba'a. Et taqaddam ma'ana fa'ala kulli hal. Cela pour montrer anna l'islam, c'est une aqidah. C'est une croyance, c'est des paroles, des actes. Et cette croyance, ces paroles et ces actes, ils peuvent être contredits, yadam billah, par un aqid, et un annulatif. Wahada, on l'a vu en détail dans Al-Wajibat, dans le chapitre dans Aqid al-Islam. Kadhalik, Cheikh al-Islam, il a cité des exemples pour montrer dans l'histoire anna ba'd an-nas, ils ont accepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un nabi, un rasoul, que le Coran c'est kalamullah, et ils ont prononcé shahada, et malgré cela ils sont sortis de l'islam. Des exemples à l'époque des sahaba radiyallahu anhu. Sahaba, ils les ont combattus malgré qu'ils se prétendaient musulmans. Belle à l'époque du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Les munafiqoun, ils se prétendaient musulmans et ils disaient shahada ila akhir. Là qu'ils ont annulé leur dîn. Ils ont annulé avec quoi les munafiqoun, les hypocrites? Non, ils ne sont pas sincères. Et non, ils ne sont pas véridiques. Est-ce qu'on va dire là qu'ils ont prononcé la shahada? Fa al-haqiqa, ils ne croient pas le munafiq. La yu'minun. Fa ha'oula, ils vont dire nous, on croit. On leur dit votre croyance, si vous faites du shirk akbar, elle est annulée. Comme celui qui insulte Allah, comme celui qui se moque du prophète alayhi salatu salam, même en plaisantant, il sort de l'islam. Même s'il croit, même s'il fait salat. Al-haqiqa, s'il croit, l'imam, il se moque. Et la croyance, elle doit être fondée sur le mahabba. Tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas te moquer de lui. Tu ne peux pas l'insulter. Fallihada, ces choses, ça contredit l'islam. Bilkulliya, ça annule. Hakada shirk, hum yaqulun nu'minun, on croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fallihada, vous ne suivez pas la base de son message. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est la base du message de tous les prophètes alayhim as-salatu was-salam. At-tawhid, adorer Allah seul. Fahum, ils disent on croit et on aime le prophète et on croit ce Coran. Thumma contredisent le Coran kulluhu tawhid. Le Coran c'est pour appeler à ce tawhid et mettre en garde contre shirk. Fa si vous croyez au Coran, fa vous contredisez la base de ce Coran. Et at-tawhid. Hada ça montre anna al-qawm, ils sont très très loin du ilm. Et ils ont contredit leur islam, iyadam billah. قال رحمه الله ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع علمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى. دوزيام شبهة. On finit, thumma, on essaye de simplifier. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لم يكفروا. La deuxième شبهة, هم يديز أن Banu Israël, ils ont demandé, اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Ils ont demandé à Moussa une divinité, comme les autres ils ont une divinité, malgré cela ils ne sont pas sortis de l'islam. Alors ils vont dire, comment vous nous faites sortir de l'islam, nahnu? Alors que Moussa il ne les a pas fait sortir de l'islam. وهكذا حديث أبي واقد نعم الليثي رضي الله عنه تقدم معنا في دروس كثيرة. Annahum, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un groupe, et ils étaient nouveaux fid din, ils venaient de rentrer fid din, ils venaient de délaisser al-jahiliya. Quand ils sont passés devant un arbre où al-mushrikoun, ils accrochaient leurs sabres, leurs armes, mimbab al-tabarruk, pour demander la bénédiction de l'arbre. Enfin, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ij'al lana dhat anwat, kama lahum dhat anwat. Et nous aussi, on veut un arbre pour accrocher nos armes. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن إذا رواية السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فهم يديز أن النبي صلى الله عليه وسلم إليزا با في سورتير دو الإسلام. الجواب لا ريبونس أن نقول أو أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. La réponse elle est très simple. Anna, ceux qui ont demandé à Moussa et ceux qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fait. C'est une demande. Thumma, Moussa, Zajarahum alayhi salatu salam. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, kadhalib. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahu Akbar. Il s'est énervé. Il leur a montré que c'était très très grave. Et hum, ils n'ont pas fait. Limadha, li anahum, ils ignoraient. Fafal haqiqa, c'est une question qu'ils ont posée. Quand ils ont su que c'était pas bien, ils n'ont jamais adoré autre qu'Allah. Falihada, c'est resté des muslimines. Ammahum, haoula, ils adorent autre qu'Allah. Et ils sont conseillés ila akhiré et ils s'entêtent. Enfin, est-ce que c'est comparable? C'est comme un tassi wahid, il te demande je peux demander à un intermédiaire ila akhiré. Et il est fi'la haoula al-qubouriyin. Et il te dit prendre un intermédiaire c'est bien ila akhiré. L'imam al-yanaoui il est ignorant. On lui a montré ça. Thumanta tu lui dis. Tu lui dis taqillah, c'est haram, c'est du shirk ila akhiré. Enfin, il ne fait pas et il accepte. فهذا سام مسلم لأن il savait pas, il a demandé et il a pas fait. أما هم ils demandent pas et ils font. Est-ce que c'est comparable? Ça vous montre. Et toutes les شبهات c'est comme ça. أن أهل الباطل كثير منهم يبل بالحق. Ils citent ces شبهات que pour repousser النصيحة. وإلا تأملوا للشبهة et leur situation ça n'a rien à voir. Ils ont pris comme argument des personnes qui ont demandé et qui ont accepté l'ansiha et qui n'ont jamais fait de... Ils n'ont pas fait ce shirk, et ils comparent leur situation, ils rejettent l'ansiha et ils font du shirk. Ça vous montre un ahl al-batil, kathir minhum. Ils n'acceptent pas le haq, ils ne veulent pas le haq. Lakin, ils citent ce genre d'argument, ces ambiguïtés, ces choses, pour repousser, pour te repousser, pour que tu te taises. Faqat. Et certains d'entre eux, ils sont qalil, ils sont vraiment sincères, et quand ils sont conseillés, ils acceptent le haq. قال في الجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب بل في الحقيقة cette شبهة qu'ils ont cité c'est un argument pour toi. Pour lui montrer que ce qu'il fait, c'est du shirk. Les annas, si ceux qui étaient avec Moussa, même Bani Israël, ils n'auraient pas écouté, et ils auraient pris une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seraient sortis de l'iman. Wa hakada à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils n'auraient pas écouté, et ils auraient demandé, et ils auraient adorer cet arbre, min dounillahi azza wa jalla, en pensant qu'il peut donner de la baraka ila akhiri, enfin, il serait sorti de l'islam, bila khilaf. Hada, c'est wadih. Fafal haqiqa, c'est un argument contre eux. Les annahum, vu que eux, ils ont vraiment fait ce shirk, enfin, ils sortent de l'islam. Contrairement à ces deux situations, Banu Israël et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Sheikh al-Fawzan, hafidahullah. أي من الأدلة على أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفر. Et on est toujours, c'est la suite de la shubha précédente. تذكرون أنهم, ils disent, on n'a pas rejeté le message du prophète صلى الله عليه وسلم. On croit que le Coran c'est حق إلى آخره. Et في الحقيقة هذا la suite c'est une hujja contre eux. لأن هؤلاء malgré qu'ils étaient avec Moussa عليه الصلاة والسلام. Et malgré qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la deuxième histoire, dans le deuxième hadith, enfin, malgré cela, pourtant ils allaient au djihad. Enfin, s'ils auraient adoré autre qu'Allah, ils seraient sortis de l'islam. Lakin, ils ont accepté le message du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux mouchrikoun d'aujourd'hui, qui adorent autre qu'Allah et qui rejettent le message du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قال ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى غير ذلك من الأعمال ما قصه الله عن بني إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كآلهة المشركين وقصة الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط. Donc ils ont pris comme argument ces deux histoires. قال وأن النبيين الكريمين النبيين مثنى أي les deux prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Moussa sallallahu alayhi wa sallam. Tu mets bien une fatha au-dessus du ya. وأن النبيين الكريمين أنكر ذلك واعتبره شركا يخرجهم من الملة لو فعلوه مع أنهم يؤمنون بالنبيين الكريمين ويجاهدون معهما. تأمل أنهم إذا في جهاد et là chaque année هم six ont suivi النبي صلى الله عليه وسلم c'est qu'ils croyaient en lui et ils ont délaissé le kufr et la akhira et هؤلاء c'était des مؤمنون. Malgré cela, s'ils auraient fait هذا, ça aurait tout annulé leur œuvre. لماذا لأن الشرك سانول tout. Donc c'est un argument contre هؤلاء في الحقيقة. Ils ont pris comme argument ce hadith et في الحقيقة c'est une حجة contre eux. Et ça c'est une règle que tu dois bien comprendre. يعلم أن الحديث صحيح أو un verset du Coran ça peut pas être un argument pour un égaré à peut-être. Allez, هذا بين شيخ الإسلام رحمه الله أن ما من مبطل qui prend un délit من القرآن ومن السنة الصحيحة في الحقيقة سين حجة contre lui. إما il l'a pas compris par ignorance, إما il joue ملبس خداع, il veut égarer les gens. وإلا في الحديث أو الآية ça peut pas appuyer un égarement أبدا. لماذا لأن c'est من وحي الله عز وجل. Et tu as un exemple هنا. Ils ont voulu prendre hadith Abi Waqid radiyallahu anhu comme argument, et في الحقيقة c'est une hujja contre eux. لأن s'ils ont refait du shirk, ils seraient sortis de l'islam. Vu qu'eux ils ont fait ce shirk, ils sortent de l'islam. وقال حفظه الله ثم أورد الشيخ اعتراضا على هذا الاستدلال وهو أن بني إسرائيل الذين طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها لم يكفروا وكذلك الذين طلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا وأجاب عن هذا الاعتراض بأن الفريقين لم ينفذ ما قال ولو فعل لكفر أن لدغب que ce soit à l'époque de Moussa ou à l'époque du prophète Mohammed alayhim as-salatu wassalam, ils n'ont pas appliqué. C'est qu'une demande. Quand ils ont su que c'était interdit, ils ne l'ont pas fait. Ça montre fadl ha'oula. Ils ont accepté le haq. Et ils voulaient le haq. Quand ils ont su que cette chose c'était du shirk, ils l'ont délaissé. Et nous on dit à ha'oula, pourquoi vous ne délaissez pas antum après avoir cité cette shubha? Pourquoi vous ne faites pas comme ha'oula? Vous laissez le shirk et tatoubun et vous suivez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qala walakin lamma nuhiya an dhalik wa buyina lahuma annahu kufrun tajannabuhu wa antahu anhu. Et ça c'est une faïda azima pour nous, Anna, tu peux te tromper même fi tawhid à cause de l'ignorance, une incompréhension ou une personne que tu ne devais pas écouter et tu as écouté et tu as un problème vite tawhid, si tu es conseillé, reviens. Andur ha'oula, ils allaient au jihad avec le prophète alayhi salatu wassalam min as-sahaba radiyallahu anhum, et quand ils ont su le haq, ils ont délaissé cette chose. Hakada nahnu, on peut se tromper et on fait attention à l'orgueil via hadha al-bab. Si c'est une chose claire et l'orgueil elle rentre dans notre cœur et on ne veut pas admettre, les nations on admet, ça veut dire qu'on n'avait pas compris cette chose qui est claire, c'est du din. Même si c'est clair, même si c'est une chose, un sujet de débutant, tu t'es trompé, astaghfirullah. Qu'est-ce que tu vas gagner si tu t'entêtes et tu montres que tu veux faire croire que tu as raison et tu t'entêtes à ne pas accepter, même si les gens ils disent mashallah, en fait ils ne s'étaient pas trompés. Lakin indallah subhanah وهو يعلم ما في الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عز وجل. فكيسك تو بادير يوم القيامة. فسا سي تري تري امبورطون اي سا مونتر تواضع هؤلاء رضي الله عنهم انهم اذا تموديست ils se sont trompés et ils ont délaissé. قال ومحل الشاهد من القصتين ان من فعل الشرك كفر وإن كان يشهد لا إله إلا الله ويؤمن بالأنبياء ويعمل الأعمال الصالحة. مم سي واحد يدي الشهادتين مم سي في الصلاة بل مم سي فاو جهاد. تصور أنت واحد فاو جهاد pour combattre في سبيل الله ça demande des sacrifices إلى آخره لكن في الطريق في du shirk et خاصة si les conseillers ils s'entêtent si c'est du shirk أكبر ils sortent de l'islam. Même si sa niya s'est allé de combattre l'Illah Azza wa Jalla. Limadha li anna, les adorations c'est une chose et les annulatifs c'est une autre chose. Enfin, wahid il peut faire des adorations et il les annule. C'est pas, ça se contredit pas. Qala al-mu'allif rahimahullah, walakin hadhihi al-qissa tufidu anna al-muslima bal al-alim قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري بها. Et ça, c'est une faïda عظيمة pour nous. Non, on n'est pas à l'abri. Le muslim, بل العالم, le savant, il n'est pas à l'abri. Il n'est pas à l'abri de faire des péchés, il n'est pas à l'abri de faire du shirk, il n'est pas à l'abri de sortir de l'islam. لماذا لأن celui qui est préservé c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Enfin, ça c'est une faïda azima pour nous. On doit faire attention. واسمع هذا الكلام الجميل. قال فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجهال التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. صحيح أن si on a compris cette histoire, et l'histoire du peuple de Moussa, ou ceux qui étaient avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum, al-haqiqa, ça va nous pousser à faire des efforts fit tawhid. On va faire attention de ne pas dire, comme certains ignorants, ils disent, al-tawhid fahimna. Ba'd al-nas, iyadan billah, quand tu lui parles de tawhid, ou tu fais souvent des doros fit tawhid, ba'dhum yaqul, mais hada, on l'a compris, hada, tout le monde le comprend, on est des mu'minoun, khalas. Il faut passer à autre chose. Al-Mu'allif rahimahullah قال هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. Si tu entends quelqu'un dire هذا أن التوحيد فهمنا, on l'a compris هذا. Ou comme قال بعض المنحرفين التوحيد, il faut que 5-10 minutes pour l'apprendre. Ou on est tous des muslimoun, على الفطرة, tout ça c'est clair. On dit la ilaha illallah. Si tu entends واحد dire هذا et qu'il ne fait pas d'effort في التوحيد, فعلم أنه سنجاهل. Et كذلك أن الشيطان يلقاه. لماذا؟ لأن الشيطان fait tout pour égarer les gens de cet apprentissage, de cette science, حتى يتم dans le shirk. C'est ce qui se passe الآن في كثير من الأماكن. Des جهال أنهم ils n'ont pas fait d'effort في التوحيد ثم عبدوا غير الله. لماذا؟ لأنهم ils connaissent pas التوحيد. Ils ont pensé que التوحيد c'était de croire أن الله c'est الرب. On y croit en Allah, c'est le créateur. Enfin, pour l'adoration des tombes, ce n'est pas du shirk. Al-Shaytan a égaré beaucoup de personnes min hadha al-bab. Wasma' ila kalam al-muhaqqiq al-allama Muhammad bin Ibrahim rahimahullah al-Sheikh fi sharhihi ala kashf al-shubuhat ila sharh tayyib qala wa hadhihi al-kalima sadarat min ba'd al-talaba lamma kathura at-tadris fi at-tawhid. نعم لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب نحوه سئموا وأرادوا القراءة في كتب أخرى وقيل إنه من المراسلين فنقم عليه المصنف في هذا القول يعني أنك ما فهمته حتى الآن فقال الشيخ ذلك لينبههم. Ça s'est arrivé من بعض الطلبة avec le مؤلف رحمه الله. C'est pour ça qu'il a fait cette précision. أن البعض tellement que le شيخ il insistait. تأمل les ouvrages qu'il écrit, وصول ثلاث قاعد الأربع وصول ستة نواقد الإسلام كتاب التوحيد كشف الشبهات كم تفسير كلمة التوحيد الضرر السنية لمني بهذا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التوحيد. فبعضهم كأنهم ils ont pensé que c'était trop, ils ont pensé que c'était trop. Le fait de penser que c'est trop, ça montre que l'insan il ignore التوحيد, il doit continuer à étudier. Et s'il continue à étudier vraiment à la tariqati ahl al-ilm, jamais il dira cette kalima jusqu'à qu'il meure. C'est jamais assez à tawhid. Nuh alayhi salatu wa salam, 950 ans wa yad'u qawma ila tawhid. Nous à notre époque là, on a besoin, même si nous on a compris et on met en application, awalan on n'est pas à l'abri, on doit daiman se rappeler. Et les autres, on doit enseigner aux autres, montrer aux autres. Wa yurwa wallahu a'lam bi sihhat hadhihi al-qissa. أن كأنه يغبط أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مرة إلى تستي certain ses élèves كأن الاستوار على غبط avec cette histoire, لكن ينظر est-ce que c'est صحيح, لكن المعنى le sens il est جميل. أنه il a demandé à certains de ses élèves c'est quoi le plus grave, de porter un fil خيطن pour se préserver du mal إلى آخره, ou faire zina, iyadan billah, avec une de ses proches, مثلاً sa mère, عند الكعبة, في المسجد الحرام. كثير من الطلاب, ils ont été étonnés de la question, ils ont dit faire zina في الحرام avec sa mère, iyadan billah. Cheikh l'Islam, il leur a montré, il faut tout recommencer, ma'akoum. Vous n'avez pas compris le din. Ils auraient compris le début de Kitab Tawhid, ils auraient su que le shirk, ça fait sortir de l'Islam. Amma, les grands péchés, même s'ils sont graves, tant que ce n'est pas du shirk, ça ne fait pas sortir de l'Islam. Bien sûr, si l'insan, il ne rend pas le halal, le péché. Le meurtre, ça ne fait pas sortir de l'Islam. Le zina, ça ne fait pas sortir de l'Islam, malgré que c'est très très grave. Amma, porter un fil et penser que ce fil lui-même, il te protège, ça fait sortir de l'Islam. Il leur a montré, là, il faut apprendre le tawhid, vous ne connaissez pas le tawhid. Et pose cette question à des awam et tu verras la réponse. La plupart des musulmans, s'ils entendent cette question, ils ne connaissent pas le shirk. Lakin, ils savent. Et ils n'aiment pas le zina, surtout avec une proche et surtout vu le masjid al-haram. C'est très très grave. Enfin, kathir minhum, automatiquement, ils vont te dire un zina avec une proche, c'est beaucoup plus grave. Ah, là, ils n'ont pas compris le tawhid. Amma le mouhid qui connaît son din, qui connaît le tawhid, il dira le shirk, c'est plus grave. Allah Azza wa Jalla قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas le shirk, les autres péchés peuvent te les pardonner. Azza wa Jalla. Même si tu ne les pardonnes pas, si tu mens à l'islam, tu sortiras min al-nar. Amma al-shirk fala. Hada, c'est un point très très important. Et on essaiera pour le prochain dors de, si on trouve la deuxième qissa avec Cheikh l'Islam avec ses élèves, si on trouve un imam qui l'a rapporté, Fatayib wa illa wal ba'd, il la rapporte, laquelle on n'a pas trouvé encore de source. Wa ala kulli hal, le ma'na il est tayyib, même si elle n'est pas sahiha an Cheikh l'Islam. Si ça arrive et des élèves y répondent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris le tawhid. Lakin nisbatuha ila shakhsin mu'ayyan, il faut une source. Qala wa tufid aydan an al muslim المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه إلى ذلك وتاب من ساعته فإنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أن لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تستفيد من هذه الآية أن سبات السكي ديز دي كفر أنهم سدي كفار سبات السكي فون دي كفر أنهم سدي كفار لا. Il y a des chourouts, il y a des mawani' et on les a expliqués kathiran. Faroubama wahad dit kalimat le kufr, c'est pas un kafir. Matalan wahad dort et ayyadan billah, il fait un cauchemar et il insulte Allah. Et oui, il est na'im. Et nous, on l'entend. Est-ce quand il se réveille, on va lui dire kafarta? Là, il est mal, il est ma'dour. Il dormait et il n'a pas fait cela volontairement. Hakada wahad, il dit kalimat le kufr, tu lui montres. Tu dis, ah, foulan, taqillah, hada, c'est du kufr. Et il s'arrête sur le coup. Et il est tombé l'Allah et il ne recommence pas. Ça reste un musulman. Il n'est pas sorti de l'islam. Ah, hada, c'est très très important. Wataqaddam ma'ana. Ça nous montre que l'insan la yasta'jil fil hukm ala l'akhari. Ne te précipite pas. Que ce soit le fisq, que ce soit le bid'a, que ce soit le kufr. Ne te précipite pas. Tant que tu peux faire une nasiha, fais une nasiha. Mais tu vas gagner quoi de faire sortir quelqu'un de la sunna ou de l'islam? Alors que l'Obama, si tu lui montres, il y a tout. Et s'il fait Tawba, et en fait, il ne savait pas, et il délaisse cette chose, on n'a plus besoin de parler de bid'a ou de kufr, l'imad, allez, annaou, il l'a délaissé. C'est bien de faire étape par étape. Sans rejeter le takfir ou le tabdi', qui est bihaq, bidawabitihi, avec des conditions en revenant à Ahl al-Ilm, ça fait partie de notre din. Si quelqu'un mérite de sortir de l'islam, et les savants, ils le font sortir de l'islam, ben, c'est plus un musulman. Hakada, si quelqu'un sort de la sunna. Lakin, الإنسان لا يستعجل يغبين أهل العلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هذه القصة فيها فوائد. الأولى الحذر من الشرك وأنه قد يدب إلى المسلمين عن طريق التقليد والتشبه بالكفار. اجعل لنا ذات أنواط أو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا استنباط طيب وتقدم معنا في القواعد الأربع فيما أذكر، لأن سيد قصة أو سيد حديث شيخ الإسلام إلى سيده في القواعد الأربع كذلك، أي أن من أسباب الوقوع في الشرك عيادا بالله c'est le fait de vivre avec le kuffar. التشبه بالكفار خاصة celui qui veut le ressembler أو qui les suit, qui les imite. لماذا؟ لأن لماذا dans les deux histoires pourquoi ils ont demandé un ilah dans la première histoire ou un arbre pour accrocher leurs armes pour le baraka dans la deuxième histoire. L'imad, ils ont vu اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أي on veut un إله comme ils ont un إله. Donc ils ont vu les autres adorer une divinité, ils ont voulu la même. Et dans la deuxième histoire, ils ont vu un camp accrocher leurs armes, ils ont voulu la même chose. Ça nous montre que celui qui vit avec des ennemis de l'islam et voit leur coffre, il peut être touché. Ne te sens pas à l'abri. Wallahi, même des choses claires. لماذا لأن القلب لضعيف القلب يتأثر بالمكان dans lequel il vit. L'insan, il est touché. Au début, peut-être qu'il va les détester. Lakin, avec le temps et avec les épreuves, ربما يحسنون إليه ربما il l'aide dans certaines choses, il faiblit حتى à la fin, il n'arrive plus à les détester. لماذا? Et là, c'est ses voisins, c'est le commerçant du bas, c'est dans les transports, il les rencontre, il a arrêté, et ça le touche. فَلِهَذَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ Il nous a interdit de vivre avec هؤلاء. لِمَاذَا لِأَنَّ Ça peut être une cause de ridda, d'apostasie, عِيَدًا بِاللَّهِ Ça ne veut pas dire que tous ceux qui vivent فِي بِلَدْ الْكُفْرِ en France ou autre, ils vont sortir de l'islam. Personne dit cela, min al-ulama. Lakin, ça peut être une cause. La preuve, c'est déjà arrivé. Et vous connaissez hada, et on connaît tous hada. Ça, c'est arrivé, il y en a des musulmans. Lakin, à force de vivre ma al-kuffar, ils ont délaissé leur dîn. Et ils ont eu des doutes. Et ba'dhum bi kulli wudu'. Annahum, ils ont délaissé leur dîn. Fi bilad al-muslimin, hada, ça arrive pas. Il y en a bien sûr qui perdent leur dîn pour des autres causes, mais cette cause en Iyadan Billah qui est beaucoup propagée dans les pays de Kufr, fi bilad al-muslim, tu es beaucoup plus préservé, même si tu n'es pas à l'abri, hatta fi bilad al-muslimin, mais l'insan il fait les causes. Qala, fa fi dhalika at-tahdhir min mujarat al-kuffar, wa at-tahdhir min al-fitan, allati tanjumu an dhalik. Non, le fait de se mélanger au kuffar, c'est une fitna azima. Voilà, ils peuvent te faire du mal, ils te feront du mal. Kadhalik, le fait de se mélanger à eux, aslan, c'est un péché. Tant que tu es avec eux, c'est des ma'asi, iyadan billah. Et kadhalik, si tu peux perdre ton din, ou une partie de ton din. Ba'dhum, ils ont été préservés avec leurs enfants. En France, l'an. En Occident en général, wallahi, certains, les parents, c'est des muslimines, wallahi, alhamd, ils s'accrochent comme ils peuvent à leur dire. Leurs enfants, ils ont grandi, ils n'acceptent pas l'islam. Et pardon, ils le disent clairement. Souma, ils se marient, ou ils fréquentent des kafaras, et ils partent avec eux, ils ont la même aqliya que eux. La salat, la shahada, wallah shay, bel rubama, ils se moquent de l'islam. L'imada, il a grandi dans leurs écoles. Souma, ils se marient avec leurs enfants. Thumma, il les fréquente, qu'est-ce que tu attends min ha'oula, ayyadan billah. La cause, c'est quoi? C'est les parents. Cet enfant, il aurait grandi vibila de l'islam, il aurait été beaucoup plus préservé. Qala, wa min dhalik, ibadatul qubur allati ahdathuha na'am, wa futinu biha, wa saru yad'una al-nas ilayha, wal khalil, alayhi salatu salam, alladhi kasara al-asnam biyadihi. وأوذي وألقي في النار بسبب إنكار الشرك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. Et ça, c'est un مثال طيب, il revient souvent avec nous. Ibrahim عليه الصلاة والسلام, c'est lui qui a cassé les idoles بإذن الله عز وجل avec ses propres mains. Ils l'ont jeté dans le feu. لماذا لأنهم ils combattaient الشرك et ils les détestaient, ils lui ont fait du mal. Que pour cette da'wah, avec tout cela, il avait peur de faire du shirk. Et il avait peur pour ses enfants. وَجْنُوبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Est-ce que, أَخِي الْكَرِيمِ, c'est min al-hikma de laisser tes enfants عِنْدَ عُبَّادَ الْأَصْنَامِ ou عِنْدَ عُبَّادَ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ? C'est pas min al-hikma. Si tu as peur pour tes enfants, fais attention. C'est pour ça que Ibrahim, il a cité lui et ses enfants. Peut-être que toi, tu as du ilm et tu les détestes vraiment. Il a akhiré. Lakin, tes enfants, tu sais pas. Certains, s'ils sont éduqués ma'ahoum dans leurs écoles, il a akhiré. C'est pas toi qui guide. Abadan. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause, elle est mauvaise. Lihada, l'insan, il fait très très attention. Comme minan nas, ils ont perdu leurs enfants. Fi bilad al-kufr. Fi bilad al-muslimin. Walillahi alhamd, c'est incomparable. ton enfant, il peut se faire du mal en fréquentant certains, avec certaines ma'asi, il a... Alhamdulillah, il y a l'ambiance de l'islam, il entend la dinde, il va au masjid. Fait Ramadan, en général, ils vont au masjid, le Jumu'ah, ils viennent au masjid, et ils respectent le dîn, ils ont un minimum. Amma fi bilal kufr, l'enfant quand il s'écarte, c'est l'extrême, iyadam billah. Mais abna al-muslimin, surtout ceux qui étudient, thumma ils vont à la faculté, à l'université, ils rencontrent, iyadam billah, des gens qui ont des afkar bizarres, la philosophie, la akhir, ils vont très très loin. Wallahi, ba'dahum yunkir wujud al-rab. Ils disent un arab, ils ont un doute. Limadal, il y en a tellement qu'ils ont étudié, tellement qu'ils ont fréquenté des malahidah, et ils se sont éloignés du din, rajouté dunya, il a akhiré. Kadalik, la peur de montrer son din, al-shaytan tasallata alayhim, shaytan, il a combattu leur cœur, ba'dahum, ils n'ont plus d'iman. Lui-même, il le dit, t'as même pas besoin d'être le kafir, lui-même, il te le dit. Il dit, j'ai des doutes, et à la fin, ba'dahum, ils ont dit, je ne suis pas un musulman, il a akhiré. Pourtant, ses parents, c'est des musulmans, il a akhiré. La cause, c'est hada. Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a eu peur pour lui et pour ses enfants. Nahnu, qu'est-ce qu'on va dire? Kama qala ba'du salaf, faman ya'man al-fitna ba'da Ibrahim. Qui c'est qui va se sentir à l'abri après Ibrahim alayhi salatu wa salam? Imam al-muwahidin, Khalil al-Rahman. Le meilleur homme après notre prophète sallallahu alayhi wa salam, c'est Ibrahim bil-ijma'. Hada, il a eu peur pour son nafs. قال خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام من الفتنة وخاف على ذريته من الفتنة إذن كيف يقول جاهل إن التوحيد يمكن تعلمه في خمس دقائق والمهم عنده البحث في أمور السياسة والكلام في الحكام وفقه الواقع كما يقولون ومعناه رصد الوقائع الدولية وتحليلاتها والانشغال بها عن التفقه في الدين. Ça, c'est un exemple jamil de Cheikh Al-Fawzan. Ça montre que c'est un alim min ulama al-sunnah. Il a très bien compris le mal, il est où. Et le mithal, il résume beaucoup de choses. Tu trouves le ba'd, il dit le tawhid fahimna. On peut l'apprendre en 5 minutes. C'est des juhal. Et ils sont occupés par quoi? Par siyasa. Ou le kalam fil hukam. Et tu le vois à notre époque, hada, et dans notre pays, hada, et dans la plupart des pays, l'Inde, c'est comme ça. Al-Ami, tu le trouves, il ne connaît rien de Tawhid. Oh, pas beaucoup. S'il prononce, il connaît. La plupart des masses, les mesquines, il ignore, il ne connaît pas Shirk. Et si tu viens Fidjane, il va te citer beaucoup de choses. L'Imad, sa source, c'est la télé. Sa source, c'est le Jazeera. Ces chaînes de télé qui combattent l'islam, c'est devenu leur source. Et vu que c'est comme le Jazeera, c'est une chaîne qui combat l'islam, qui combat les gouverneurs, qui combat les savants, il a akhiré. Et vu que le but de cette chaîne, c'est de diviser les musulmans en critiquant les gouverneurs, tu trouves ce musulman peut-être qui va connaître beaucoup de choses dans la politique. Tel président il a fait, tel roi il a fait, ils se sont rassemblés dans tel endroit, ils ont projet de faire qu'il connaît. Tu lui demandes. Une mas'ala très très simple. Ma'na la ilaha illallah. C'est quoi le sens de la ilaha illallah? Ma yadri. Limada liyanna, il n'a pas comme source que je fais shubuhat ou kitab al-tawhid. Et il comprend le Coran al-Karim en revenant au livre de tafsir. Et il comprend sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam en revenant au shuruhat de Bukhari ou muslim ila akhiri. Il meskine, il n'a pas ses sources. Il a une source, c'est la télé. Et kadalik, notre époque, les téléphones avec les réseaux sociaux ila akhiri. Les médias. Alihada, ils l'auront. Propager ce fikr. Que la politique, qu'est-ce qu'ils veulent, l'awam? Tu as déjà entendu l'an, ammi, illa, man rahim Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y en a, ils sont à la khair, ils aiment bien tawhid. Lakin, la plupart l'an, quand ils font les manifestations, est-ce que c'est pour enlever shirk? Abadan. Tu as déjà vu, une manifestation contre shirk, malgré cela, c'est interdit. Nous, on ne dit pas que c'est permis là. Lakin, eux, ils font des manifs. Pourquoi? Les anahum, ils détestent certaines choses. Enfin, la manifestation, c'est pourquoi? Emma, les prix sont élevés. Emma, iyadam billah, ils ont de la haine envers le gouverneur, même s'il n'aura rien fait. Lakin, vu qu'ils ont été remplis par les médias de haine contre les gouverneurs, ils veulent que le gouverneur y parte, oumil hadal bab. Tu verras jamais une manifestation contre la démocratie, contre shirk, contre l'adoration des morts, contre tashabbuh bil kuffar. Abadan. Les ils les ont écartés de cela. Et on répète, les manifestations, c'est haram dans tous les cas. Tu es contre shirk, apprends tawhid. Et fais da'wa, et fais du'a. Et éduque tes enfants, et alhamdoulilah. Tu auras contribué de ta façon. Fallah al-musta'an, faut faire attention à hada. Et hada, même certains frères, ils sont touchés. Même certains frères qui suivent la sunnah, ils perdent leur temps. Il y a une guerre dans tel pays avec le complot, avec qui ils vont faire, avec les sionistes. Fit tawhid, tu les trouves, ils ont un dhaf kabir. Les sionistes, le complot, délaisse tout cela, c'est batil, apprends ton din et tu sauras qui c'est le mouahid, qui c'est le mouchrik. Et avec leur complot, ils se font que du mal à eux-mêmes. Et ils ne te feront rien, c'est une aqida solide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout. Ammahum, ils ne peuvent rien faire. Tu trouves l'un, certains de nos frères avec les téléphones, avec les réseaux, l'un, sociaux, il a akhiré toute la journée. Le complot, ils vont faire, il a akhiré. Ils s'écartent. L'imam, ils rentrent dans ce système. Et ce système, c'est certains musulmans égarés, c'est certains koufars, kadali. Et ils rentrent dans ce système, à la fin, il a des choubas. Les complotistes, ils vont lui montrer que les sionistes, c'est le pays des juifs, il a akhiré, c'est des égarés, ils veulent du mal, ça c'est haq. Il va rentrer avec eux, et en même temps, ils vont lui dire, Al-Mamlaka, Al-Arabiya, Al-Saoudiya, c'est des sionistes. Et il est parti avec eux. Alors que Al-Mamlaka, Al-Arabiya, Al-Saoudiya, c'est Dawlat al-Tawhid. Ils propagent Tawhid et combattent le shirk. On ne dit pas qu'ils sont parfaits, mais Alhamdulillah, ils aiment le din, et ils ont propagé beaucoup. Les œuvres de Cheikhoul Islam, enfin, pourquoi tu dis que c'est des sionistes? Lakin, rentrer dans ce système, c'est très très grave. Qala, wa minhum man yantaqid muqarrarat at-tawhid fil madaris wal ma'ahid wal kulliyat wa yaqul la da'i li hadhihi al-kathafa fi muqarrarat at-tawhid an-nas muslimun wa awlad fitra wa bi imkan at-tullab an yata'allamu at-tawhid min al-bi'ah al-ijtima'iyya, ay l'environnement dans lequel ils vivent. إلى آخر هذيانهم الفارغ صحيح هذيان فارغ أي c'est des choses qui ne valent rien, c'est que des paroles vides. Et ça nous montre فضل دولة السعودية أن dans les programmes qu'ils ont des cours élémentaires jusqu'à l'université إلى آخر, ils ont des دروس في التوحيد والعقيدة إلى آخر. Et tu trouves بعض الناس ils n'aiment pas هذا. C'est pour ça que critiquer cette دولة c'est pas simple. Elle n'a fait attention si elle propage din l'islam al-haq et tu la critiques, c'est pas simple, akhi al-karim. Wallah al-musta'an. Qala wa law sa'alta wahidan min ha'ula an absat mas'alatin fi at-tawhid ma ajabak bi jawabin sahih, a'ni alladhina yaqulun hadhihi al-maqala sahih. Absat mas'ala, ay la mas'ala la plus simple. Maintenant on va venir nahnu à la base. At-tawhid c'est fondé sur la ilaha illallah. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Tu le répètes tous les jours. Tu aimes cette kalima parce que c'est un musulman. Tu sais que c'est ce qui te fait rentrer vers l'islam. Et quand quelqu'un veut se convertir, on s'empresse à lui dire « Dis la ilaha illallah ». Enfin, explique-nous c'est quoi. Et tu vas entendre des ajaib qu'on a déjà expliqués. Wahad, il va dire « La mawjoud illallah ». Ba'dhoum, ils disent ça. « La mawjoud illallah ». Et tout ce qui existe, c'est Allah. Ayyadam billah. Kaif tout ce qui existe, c'est Allah. Hanta, tu existes. Et les arbres, ils existent, et les murs, et... C'est grave. Alors, donc, ils vont dire, la khaliqa illallah. Il n'y a pas de créateur sauf Allah. Ça, c'est haq, mais ce n'est pas ma'na la ilaha illallah. Les mouchrikoun, ils ont cru que le créateur, c'était Allah, et ils ne sont pas rentrés vers l'islam. Alors, donc, ils vont dire, la hakimiyata illa illallah. La hakimiyata, c'est que pour Allah. Ça, c'est faux. D'expliquer la ilaha illallah par cette kalima. Al-hakmiya, naam, c'est l'illah. Lakin, on ne peut pas expliquer la ilaha illallah par une partie. Fakat la, al-hakmiya, wa salat, wa zakat, wa dua, wa l'ibada, c'est l'illah. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, l'asaf. Qala, a'ni, alladhina yaqulun hadhihi al-maqala. Et à cause de cette ignorance, fit tawhid, la plupart des égarements que tu vois l'an, عند المسلمين, c'est à cause de cette ignorance. Prends maintenant, il y a quelques jours, quand Al-Kanisa en France elle a brûlé, Notre-Dame, quand ça a brûlé, à cause de l'ignorance, tu trouves beaucoup de musulmans, ils étaient tristes. Wa'adhum, ils ont écrit des messages. Wa'adhum, ils aident à la reconstruire. Wa'adhum, wa'adhum. Limadha li anna al-jahl. Wa'adhum, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est un lieu d'adoration ou qu'on adore. Ils disent Dieu, hey Allah. Muslim qui dit ça. Ondur al-jahl. Il aurait un minimum de connaissances fit tawhid. Il sait que les églises, les chrétiens, ils adorent Isa ibn Maryam. Et ils adorent sa mère. Et ils font du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a maudits. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a maudits. La'natullahi ala al-yahoud wa al-nasara. On ne dit pas de faire du mal et de. Un tas, tu brûles l'église. Abedan, ne la brûle pas. Écarte-toi. Écarte-toi et essaye de t'écarter de Ha'oula le plus possible. Et si elle brûle, ça ne doit pas te rendre triste. Abedan. Ben on dit Alhamdulillah, un endroit de shirk qui est disparu. Alhamdulillah. Lakin onduru. Le problème, il est où? Les annahum, ils ne connaissent pas le tawhid. Wahed qui connaît le tawhid et qui adore Allah seul et qui aime Allah, un endroit où qu'on adore autre qu'Allah qui brûle, ça ne le rendra jamais triste. C'est impossible. C'est pour ça que, fi bilad al-muslimin, est-ce que tu as entendu les gens parler de hada? Dans les médias, ils en ont parlé vite fait un jour. Alhamdulillah, dans la rue, les gens ils savent même pas c'est quoi. Tu lui parles de ce monument, ils savent même pas c'est quoi. Lakin fi bilad al-kufr, là, les enfants, ils leur en parlent à l'école. Andurou al-harb. À l'école 1, ils leur en parlent. Le lendemain, beaucoup d'écoles, ils ont parlé, ils ont expliqué, Thouma, un historique de Notre-Dame, c'est quoi? Haqiqa, c'est du shirk. Il y en a, c'est une église qui a été fondée pour adorer autre qu'Allah. Mais Banouk, si ça rentre dans le cœur de ton enfant, au départ, ils vont l'informer, Fakat, Thouma, avec le temps, un jour, peut-être, il voudra aller voir. Vu que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est bien, ben, il va aller voir. Peut-être qu'un jour, Ayyadam Billah, tu le retrouves un tas dans l'église. Vas-y, comment tu veux? Comment tu veux lui montrer que c'est pas bien? Ce point, il est très très important. قَالَ وَالْفَائِدَةُ الثَّانِيَ وَهِيَ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ مَنْ أَنَّ مَنْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ عَنْ جَهْلٍ وَهُوَ لَا يَدْرِي ثُمَّ نُبِّهَ وَتَابْ مِنْ سَعَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرْ بدليل قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يكفر بذلك ولكن بهذين الشرطين avec ces deux conditions. Il prononce une parole de mécréance par ignorance, enfin, il ne sort pas forcément de l'islam, mais avec deux conditions. الشرط الأول أن يكون قال هذا الكلام عن جهل ولم يتعمد. أي أنه il ne connaissait pas. Il a prononcé cette parole de mécréance par ignorance. الشرط الثاني أن يتوب من سعته ويترك هذا الشيء إذا تبين له أنه كفر. Deuxième condition, أنه il fait توبة. Il se repent et il délaisse. Quand on lui montre et il sait que c'est du kufr, il délaisse. قَالَ فَهَذَا لَا يَضُرُّهُ الْكَلَامَ الَّذِي قَالَ وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ شُبْهَتِهِمْ الَّتِي سَبَقَتْ وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكْفُرُوا وَأَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكْفُرُوا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ نَقُولُ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يَكْفُرُوا لِأَنَّهُمْ قَالُوهَا عَنْ جَهْلٍ وَنُبِّهُوا وَتَرَكُوهَا وَتَابُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc la réponse elle est claire. Ils ne sont pas sortis de l'islam, même les annahum, ils ne savaient pas, et quand ils ont su que c'était du shirk, ils ont arrêté, ils n'ont jamais redemandé. Et ils n'ont jamais fait cette chose. Donc alhamdulillah. Qala amma antum fatunabbahun billayl wan nahar wa tusirruna ala du'a al-qubur was-salihin wa la tasghawna asma'akum lima yuqala lakum takabburan wa 'inada. صحيح. أما celui qui est conseillé مثل هؤلاء الصوفية الضلال أو الروافض qui adore les tombes, conseillé nuit et jour les livres, بل كثير منهم ils combattent ce genre de livres. Pourtant c'est une nasiha pour eux. Et vous avez remarqué que المؤلف, l'auteur rahimahullah, il parle avec sagesse et il montre avec des adillah, avec ilm. Enfin, pourquoi ne pas accepter? Celui qui n'accepte pas, il nous montre l'erreur et il écrit un livre et il montre les égarements. لكن ما يستطيع هم يزعكوز ديريكتومون لماذا لانهم يبل بالحق كثير منهم. قال والفائده الثالثه تفيد هذه القصه ان من لم يكفر بكلمه الكفر اذا قالها جهلا فانه لا يتساهل معه بل يغلظ عليه بالانكار كما غلظ موسى عليه السلام على قومه وكما غلظ محمد صلى الله عليه وسلم على اصحابه الذين قالوا هذه المقاله من باب الزجر والتحذير لاجتناب ذلك والحذر منه. Ça c'est un point important. Ils ont été excusés. لماذا لأنهم ne savaient pas. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن. Et il s'est énervé عليه الصلاة والسلام. Ce qu'on appelle الزجر. Un conseil لكن بغلظة. Tu lui montres que c'est grave. أما التساهل في هذا الباب. C'est très très grave. Même si Wahed il est ignorant, On parle maintenant si c'est un enfant, si c'est un proche qui te respecte, si c'est un élève, et c'est quelque chose de grave, même s'il est ignorant, il est conseillé pour montrer aux autres que le sujet il est très très grave et très très important. Mais dans certains cas là, c'est pas min al-hikma. Dans certains cas, s'il faut de la douceur, l'insan, tu ne les connais pas, et si tu as un peu de dureté, il n'accepte pas, les kulli maqamin maqal. Et chaque situation a sa façon de faire. هذه هي الشبهة الثانية عشرة. Et elle est très très simple avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله.